Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement 7,50 $ plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. On va parler avec notre ami Marc Griffin. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Salut Marc! Salut Ben! Hey Marc, j'ai oublié de te poser la question. Comment t'as trouvé ton voyage ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oh, fantastique! Fantastique! Okay. Écoute, je sais pas si c'est une histoire d'amour, là, mais j'ai un accueil chaleureux, belle conférence, vraiment beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Mais je vais être de retour en septembre lors du Salon du Livre. OK, parce que tu sais qu'on est reconnu au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour être du bon monde. Puis notre hospitalité aussi, là, on est quand même reconnu là-dessus pour ça, là. Ben, en tout cas, la réputation est confirmée. OK. Marc, je veux ce matin, il y a une nouvelle qui est sortie, que Châteauguay voudrait se bâtir un complexe de baseball. Très bonne nouvelle en passant. On voudrait attirer un camp d'entraînement de l'équipe canadienne, des championnats nationaux et ainsi de suite. La question que je me pose aussi avec ça, la Ligue Can-Am, là, il y a un projet du stade des expos, autour des expos, mais moi, je me dis que l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que dans ce complexe-là, la Ligue Can-Am pourrait s'établir? Parce que ça fait longtemps que Michel Laplante rêve d'avoir une équipe à Montréal, là. Ben écoute, la réponse est oui. Dans le sens, est-ce qu'on est prêt à construire il y a un complexe, mais est-ce qu'on est prêt à construire un stade de 3 000, 3 500? Est-ce qu'on veut aller chercher de l'aide gouvernementale? Je connais pas tous les détails. C'est pas la première fois qu'on entend des gens souhaiter la construction d'un complexe. Il y en a eu plusieurs. Mais ça reste que c'est des grands défis. Mais moi, le fait qu'on en parle, je trouve que déjà c'est une très bonne nouvelle. Et pour répondre à ta question aussi, absolument que même si un retour éventuel des Expos de Montréal, du baseball majeur, moi je suis convaincu quand même qu'il y a de la place pour un stade de ligue mineure de 3 000 places, 2 500 places, qui pourrait jouer soit dans la Ligue Can-Am ou peu importe la ligue éventuellement où les capitales vont jouer, là, mais absolument. Mais il faudrait que ça soit effectivement en banlieue et non en ville, donc Châteauguay. Entre absolument dans cette lignée-là. Effectivement. Puis, tu sais, aux États-Unis, il y a des villes que, je pense, c'est Kansas City qui a une équipe de la Ligue Can-Am à 15 minutes. Kansas City, Minnesota, il y en a plusieurs, là, qui ont des stades, là, même pas une vingtaine de minutes l'un de l'autre. Là, je parle des ligues majeures, ligues mineures. Et c'est parmi les franchises, les meilleures franchises de ligues mineures. C'est deux clientèles qui sont très différentes, et mais c'est le même sport, donc. Les deux s'entraident et ça fonctionne bien. Ça pourrait donner de l'espoir à plusieurs joueurs québécois qui sont pas nécessairement des joueurs qui ont le talent pour atteindre les majeurs, mais s'ils veulent continuer pareil leur sport favori, ils peuvent briller dans cette Ligue Can-Am là. Pourquoi pas? Ouais, non, absolument. Puis écoute, regarde, il y a une belle opportunité. Tu vois déjà dans les Aigles cette année, il y a une coupe de Québécois. Ouais. Puis là, avec le nombre qu'on voit présentement dans les collèges américains, même dans les rangs mineurs professionnels, il y a des choses intéressantes. Alors oui, ça donne une capacité aux jeunes gars du Québec, du Canada, même de l'Est du Canada, de venir jouer au baseball. OK. Deuxième point, je vais t'emmener. La nouvelle est sortie hier. Je suis content. Kevin Biggio et Lourdes Gurriel ont été rappelés. Ouais. Biggio connaissait un excellent début de saison. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, c'était mercredi passé, il fait un peu 306. Gurriel, on a vu passer ça, qu'il voulait le transformer en voltigeur. Je trouve que c'est une bonne idée, ça. Excellente idée. Tu vois que absolument. Tu sais, je sais que ses frères, c'est des joueurs d'avant-champ, c'était correct, mais moi, je le vois effectivement. C'est un bon athlète, c'est un bon frappeur. Tu as besoin d'un gars de main dans le rôle offensif. D'ailleurs, il est retourné dans le 3, puis il a vraiment, son coup de bâton était à point. Moi, je pense qu'il serait plus à l'aise parce que son jeu défensif dans le baseball majeur, selon moi, affectait son coup de bâton. En tout cas, pas dans le secret des dieux, puis je sais pas si son adaptation peut bien se faire, mais regardant l'athlète qu'il est, moi, je pense que c'est un gars qui peut effectivement jouer au champ extérieur. Dans le cas de Bidjo, absolument. Tout à fait d'accord avec toi aussi, là, que il est à peu près temps, là, je vous dirais. Ouais. Il y avait plusieurs des joueurs du baseball majeur qui allaient, par exemple, au niveau 3A pour les mises en forme des choses, puis à chaque fois, ils revenaient, ils disaient, mais comment ce gars-là est encore au niveau 3A? Alors là, les Blue Jays commencent à amener ces jeunes-là. Moi, je pense qu'il est temps, il faut le faire. Si on est en reconstruction, on se met à reconstruire immédiatement en amenant toute cette gang de gars-là ensemble. Tu sais, les Jansen qui est déjà là, tu vois, les Guerrero qui sont là, les Bidjo. Ronnie Tellez, qui est un gars qu'on Tellez. Ouais. Qu'une puissance pure. Moi, ce gars-là, je comprends que c'est pas le meilleur joueur le premier but en défense, mais son coup de bâton, c'est une puissance qui est naturelle, qui est pure, qui s'enseigne pas finalement. Je pense qu'il va devenir un très très bon frappeur, moi, éventuellement, dans le baseball majeur. Donc, il y a des choses très intéressantes là qui se passent. J'espère juste qu'on va les entourer comme il faut. Honnêtement, c'est pas une organisation présentement j'apprécie au plus haut point. Non, je trippe pas là-dessus non plus. Peut-être que c'est ce qui me fait penser, Chris Davis, un gros frappeur gaucher, premier but, frappe pas nécessairement pour la moyenne, mais pour les circuits. En fait, Davis est un très bon athlète. Ouais. Au premier but, là, c'est pratiquement un gars qui pourrait gagner le Grand d'Or. J'exagère à peine. Mais je veux dire son coup de bâton. Son coup de bâton, effectivement. Parce que des puissances pures comme ça, t'as beau enseigner à des gars d'aller rentrer vite dans la balle. Lui, la balle, elle quitte son bâton d'une manière qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors, je pense que il reste des choses à peaufiner dans cet élan-là, mais il y a des bien bonnes choses qui pourraient débloquer à ce niveau. Je pense pas que ce soit un frappeur de 300. Ça peut être un frappeur de 260, mais il y a 25 à 30 circuits, 90, 100 points produits, quelque chose comme ça. Oui, mais tu sais, la moyenne au bâton, ouais. Danny, c'est à peu près une statistique qu'on utilise de moins en moins. Ouais. On utilise le fameux... OPS? L'OPS, ce qu'on, nous, à RDS, on appelle le MPP, là, dans le fond, qui est la moyenne de présence plus puissance. Ça évalue vraiment, selon moi, la qualité du joueur, parce que tu peux être un joueur nécessairement pas très puissant, mais tu es constamment sur les buts, donc une efficacité à l'équipe. Et à l'inverse, tu as peut-être beaucoup de retraits sur des prises, mais tu t'en frappes des circuits puis des points produits. Fait que c'est une statistique qui devient de plus en plus intéressante. Alors, si c'est un gars qui a un MPP là, au-dessus de 8,50 là, parce qu'il frappe la longue balle, ben on va peut-être laisser passer quelques retraits sur des prises ici et là, compte tenu de la puissance qu'il peut nous offrir. Oui, effectivement. Marc, Mathieu Boulay est allé du Journal de Montréal, est allé à Tampa Bay. Il se passe pas grand, il a pas l'air à se passer grand-chose. Mon chum Frédéric Digg me disait tout à l'heure qu'en dehors des ondes, qu'il disait que il avait parlé à Mathieu Boulay puis il avait été très averti que de pas poser de questions ni aux joueurs, ni aux partisans, ni aux gens de Tampa, aux employés des Rays, de parler de déménagement, et ainsi de suite. Quand il se passe rien, il me semble que c'est bon signe. Parce que, tu sais, s'il se passerait de quoi, puis ça travaillerait, on le saurait en coulisses, là. Mais là, il y a de l'air à rien se passer. Il y a eu en début de saison, rappelle-toi, là, on a lancé en grande pompe là, des idées de marketing. Là. On a fermé une section, on a mis des rideaux, on a un paquet d'affaires. Mais ça semble pas lever, effectivement. Écoute, moi, de toutes les personnes qui sont près des Rays confirment ça. Il se passe absolument rien. On n'entend pas parler d'un projet ou en tout cas d'une possibilité d'un projet quelconque qui puisse faire avancer les choses ou en tout cas disons influencer peut-être le baseball à dire qu'il se passe des choses. Alors, c'est très inquiétant pour eux autres, parce que là, honnêtement, je crois que Rob Manfred a atteint une certaine limite de patience. Mm. Et puis d'ailleurs, j'aurais aimé ça qu'on ait cette patience-là avec les Expos à l'époque, mais ça, c'est un autre dossier. Tu sais, à un moment donné, parce que je sais que l'expansion est un projet qui tient le baseball majeur à cœur, mais ils doivent absolument régler ce cas-là. Tu sais, ça avance du côté d'Oakland, on entend des choses, il y a des maquettes, il y a des si. Mais du côté des Rays, c'est extrêmement tranquille. Puis regarde, c'était le même cas à l'époque des Expos, là. On disait, Marc, toi, là, je vais te poser la question. Frédéric Degg s'en rappelait pas. Toi, en 2004, quand il y avait des journalistes à l'extérieur qui venaient à mort, est-ce que tu avais été averti de ne pas parler de déménagement? Parce que tu travaillais à l'époque pour les Expos, là. Est-ce que vous étiez averti là-dessus? Ben oui, il est très prudent, absolument. Je dirais pas qu'il y avait un ordre, mais c'est je pense qu'on était rendu à peu près 23 employés permanents aux Expos à la toute fin. Fait que vous comprendrez que là, tout le monde mettait à peu près 8 chapeaux là, dans les rôles. Fait que on était avertis de pas effectivement parler publiquement de ce qui se passait. C'est qu'on avait un travail à faire puis on devait le faire. Mais il n'y avait pas un ordre direct, mais on suggérait fortement. D'ailleurs, personne ne le fait. Mais tu sais, je veux dire, les gens constataient par eux-mêmes, comme les journalistes qui vont faire un tour à Tampa présentement, constatent par eux-mêmes qu'il se passe pas grand-chose. Il y a pas de vie. T'entends pas parler au centre-ville de Tampa en ce moment là, des Rays de Tampa Bay. Alors, on constate et le constat, c'est que présentement, ça me fait vraiment penser moi à 2004, ce qui se passe à Tampa Bay présentement. La différence, c'est que Tampa a encore un propriétaire. Tampa fait des sous compte tenu du fait qu'ils reçoivent beaucoup d'argent et qu'ils ont un contrat de télévision locale qui a bien de l'allure, mais il n'y a pas de monde dans ce temps. Ben effectivement, puis moi ce que ça me fait penser, c'est que ça va le 26-27 septembre, probablement les Rays vont probablement dire qu'ils ne resteront pas à l'intérieur de 2027, puis là la ville va arriver par en arrière et dire ben allez-vous-en tout de suite, on n'attendra pas jusqu'en 2027 pour bâtir. La ville n'attendra pas jusqu'en 2027. Non, moi, la ville met de la pression présentement pour que ça se règle, parce que sont tannés, premièrement. Il y a un paquet de projets potentiels fort intéressants pour la ville à ce niveau-là. Fait que ça, c'est sûr que la ville n'attendra pas jusqu'à 2027. Le fameux bail, là, ça peut se travailler de bien des façons. Effectivement. Marc, dernier point que je veux t'amener, ça c'est intéressant, ça. On a vu ça passer cette semaine, une nouvelle que le repêchage international, parce qu'auparavant, les joueurs de la République dominicaine, les joueurs de Cuba, ben là, Cuba, c'est sur la glace, l'entente, mais les joueurs également, de l'Amérique latine, beaucoup de l'Amérique latine, et le Japon aussi, c'est son joueur autonome quand il arrive. Là, maintenant, ce serait un repêchage international. Moi, je trouve ça intéressant, l'idée, puis l'idée aussi, tu pourrais transiger ce choix au repêchage-là. Comparativement aux autres sports, tu peux pas transiger un choix au repêchage dans le repêchage traditionnel, là. Mais finalement, moi, je trouve ça intéressant, cette idée-là. Ben, ça a évolué beaucoup ce qu'on va dire. Ben, on va l'appeler le repêchage international, mais surtout en fait le fait d'aller piger soit en République, soit en Asie, soit un peu partout ailleurs, comme tu as mentionné. Parce que bon, rappelle-toi, il n'y avait pas de règles avant. On a commencé à instaurer des règles ici et là parce que ça n'avait pas de bon sens. On donnait des millions de dollars à des gars qui avaient jamais joué dans le baseball majeur, puis finalement ça devenait des flops. Puis bon, alors on a quand même travaillé sur des affaires depuis, je dirais, un bon 5 ans là. Ça s'est amélioré. Là, il y a le fameux pool. Donc chaque équipe a un nombre montant d'argent qui est désigné. Par contre, tu peux transiger et aller chercher de l'argent du pool. Là maintenant, on va y aller sous forme d'un. En tout cas, l'idée c'est d'aller sous forme d'un repêchage. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la façon de faire. Évidemment, si on allait... Rappelle-toi les joueurs canadiens. Moi, à mon époque, on était des joueurs autonomes. Ouais. C'était le fun pour les dépisteurs, parce que là, tu fallait dénicher un joueur que personne connaît, puis t'essayais de... Tu sais, tu le mettais sous contrat. Le problème que je vois avec ça, c'est que maintenant, l'information circule tellement rapidement que la fameuse perle rare, là, tu pourras plus la trouver, dans le sens que tout le monde va se partager l'information parce que ça va rentrer dans un pool de repêchage. On verra ce que ça va donner. Mais au moins, ça va permettre peut-être à des équipes là, de pas passer outre, mettons, un joueur de qualité. La mauvaise nouvelle, c'est que les équipes qui mettent l'emphase sur le dépistage, le repêchage, ben ne seront plus aussi avantagées qu'ils ne l'étaient avant. Mais ce que tu veux dire là-dedans, c'est que il y a des équipes quand même que les joueurs de la République dominicaine, si un repêchage, faut trouver que les dépisteurs les scrutent comme il faut. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une organisation qui met l'emphase là-dessus, tu vas aller, l'information circule rapidement. Fait que quand tu déniches un joueur, ben c'est bien clair qu'à un moment donné, ça va faire les Brewers sont en train de checker un gars, là, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Fait que tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il y a des organisations qui sont toujours les derniers arrivés à Marielle, disant ah, ok, vous avez un joueur intéressant que vous regardez. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça que ceux qui mettent beaucoup d'efforts, parfois dans ce cas-ci, je ne dirais pas qu'ils sont désavantagés, mais ils vont aider ceux qui mettent un peu moins d'emphase là-dessus. Effectivement. Marc, merci beaucoup. On s'en reparle dans une couple de semaines. Au plaisir. Au revoir.